On va parler de golf avec notre ami Michel Lallemand. C'est la chronique du club de golf de Chibougamau. Salut Michel. Salut, Hey Denis. Michel, avant de te parler de ce qui s'est passé à Chibougamau cette semaine, il y a une belle. Hier, on a toujours la chronique. On prend que la chronique du club de golf de Chibougamau, Noël de Saint-Prime puis de Dolbeau. Puis hier, Rémi Curtinus de Saint-Prime me disait qu'il a incité ou il a demandé à ses membres d'aller jouer au golf à Dolbeau et à Chibougamau. Ça doit être le fun, dans quelque part, là. Ça doit être le fun pour vous autres. C'est sûr que c'est une belle initiative parce que si tu as suivi un petit peu dans les médias, au début de la saison, on a signé un partenariat avec le club de golf de Saint-Prime OK. pour faire en sorte que tous les gens qui sont membres dans un de ces deux clubs-là, chez nous ou Saint-Prime, peuvent aller jouer deux parties tout à fait Ah, gratuitement OK. dans l'autre club. Ah, je ne savais pas, par exemple. Donc, c'est un échange de bons procédés entre Saint-Prime et Chibougamau. Et possiblement qu'au mois de juillet, on devrait recevoir une délégation de Saint-Prime pour un tournoi amical ici à Chibougamau. OK. Donc, puis ça, c'est une belle initiative également. Puis, à quelque part, il y a de l'entraide parce que c'est beaucoup plus facile pour les clubs du lac. Je pense qu'il faut que vous vous entraînez ensemble, puisque les clubs, c'est pas les clubs du Saguenay qui vont vous aider, là. Non, c'est sûr. Ouais. Puis, les gens qui sont habitués de jouer dans ces clubs-là, ce n'est pas des gens qui vont se déplacer pour aller jouer, disons, dans des clubs de moindre importance. Tandis que les deux clubs au lac, Dolbeau et Saint-Prime et Chibougamau, on a une très, très bonne relation. On a beaucoup de contacts entre membres et c'est toujours un plaisir de se visiter. OK. Bon, il y avait la Coupe des c'est-tu la Coupe des Champions qui est en fin de semaine? Oui, fin de semaine Ouais. dernière, on avait la deuxième qualification de la Coupe des Champions. Encore une fois, ça a pris une prolongation en classe A. Et c'est Rick Jordan qui a été le vainqueur avec 79 premiers trous de prolongation devant Jean-Philippe Girard. OK. En classe 2B, Jules Gagnon avec 80. Et en classe B, Nelson, pas Nelson, mais Jim McLeod avec Ah, 93. OK. Donc, ça a bien été pour. Il y avait combien de joueurs cette fois-ci? 36 joueurs à sa deuxième OK. qualification. La troisième va avoir lieu la fin de semaine prochaine, le 11 OK. juillet. Qu'est-ce qui s'en vient en fin de semaine? C'est sûr qu'à Chibougamau, il fait pas beau. Je viens de faire la chronique du soccer à Chibougamau. C'est pas beau. Il y a du vent. J'imagine que ça nuit à l'achalandage aussi, j'imagine. Oui, disons que ça fait 2 jours, Ouais. incluant aujourd'hui, là, que c'est pratiquement fermé. Par contre, demain, la température devrait être plus clémente et on l'espère parce que Ah. demain soir, dans le cadre du Relais pour la vie, on a un tournoi de nuit. OK. Donc, c'est complet. 18 équipes, 72 joueurs qui vont prendre le départ demain soir à 10 heures. OK. Et c'est une très belle soirée. L'objectif, c'est comment pour ramasser de l'argent? Ah, on espère aller chercher, là, avec le souper et le tournoi de golf, 5 à 6 000 $ qui vont être OK. mis au Relais pour la vie, qui vont venir se goûter aux 100 000 qui avaient été amassés lors de la marche en début Ben, juin. bravo. Y a-t-il autre chose à ajouter en terminant? Non, disons que l'Avalanche, terrain est certainement un des plus Ouais. beaux, je dirais, de la province. On a plusieurs visiteurs, on a nos membres qui ont été joués partout un peu au Québec depuis le début de juin. Et tous les commentaires par rapport à notre club, c'est qu'on a certainement un des plus beaux clubs au Québec. OK. Pierre-Alexandre Bédard, lui, pour les gens qui se posent la question, il est en congé jusqu'au 5 juillet. Si je ne m'abuse, il va recommencer la semaine prochaine, c'est ça? OK. Oui. Puis il y avait un tournoi junior récemment, quelque part au Saguenay. Est-ce qu'il y avait des golfeurs de Chibougamau qui étaient là? Non, Non? au niveau du junior, on est en OK. reconstruction. Ceux qui seraient de calibre pour y aller sont des jeunes qui travaillent. Ah, OK. Fait que donc, c'est dans la semaine, c'est difficile d'avoir ces jeunes-là. Fait que donc, on continue à travailler sur le développement, puis on devrait continuer à être présent possiblement au cours des prochaines OK. saisons. Ben Michel, ça fait le tour pour cette semaine. On se reparle quelque part la semaine prochaine. Toujours un plaisir, Voilà le Denis. directeur général du club de golf de Chibougamau, Michel Lallemand.